Chapitre 20e. Jeudi 5 août. La baie d'Alger se précise de plus en plus. Mireille et Adrien sont sur le pont, le cœur battant. Ils sont étonnés par cette tache blanche entourée de collines vert foncé, si différentes des rochers arides de la côte marseillaise. De plus près, ils aperçoivent les grandes arcades du boulevard Front de Mer et le dôme blanc de la grande mosquée. Regarde là-haut, on dirait Notre-Dame de la Garde. C'est Notre-Dame d'Afrique. Je l'ai vu sur mon livre. Ils ont conscience qu'une nouvelle page se tourne. Ils respirent à plein poumon les odeurs et les parfums qui leur parviennent en masse. « Inch'Allah, comme ils disent ici, » murmure Adrien à l'oreille de Mireille. Ils sont déjà étonnés de découvrir un trafic portuaire important grouillant de porteurs et de véhicules qui circulent en tous sens dans un désordre pourtant efficace. À l'arrivée depuis le bastingage, ils aperçoivent, comme prévu, Favier, déjà là, debout, les bras croisés, appuyé contre une grande Peugeot décapotée. Il les prend dans ses mains puissantes et les embrasse comme du bon pain. « Ah, je suis si content que vous soyez là. Allez, les amoureux, je vous emmène tout de suite à Guyotville, et ce soir, à la fraîche, on fera le tour d'Alger en voiture. C'est beau, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, vous verrez comme elle est belle, ma femme. » Le soir, assis à l'arrière de la voiture, enlacés, Mireille et Adrien vont de surprise en surprise. Les quatre amis entonnent le succès du moment. Marinella, Ignace et surtout, il y a de la joie qui correspond si bien à leur état d'âme. Le lendemain, Adrien et Mireille prennent leur premier bain sur la plage de Paenem. Premier pique-nique dans la forêt voisine, sous la puissante odeur des pins, avec un petit parfum d'oranger de temps à autre. Première sieste pour faire passer le vin blanc du domaine de la Trappe. La vie est douce et tiède, comme la peau de Mireille. Adrien n'a pas l'habitude de la voir évoluer en maillot de bain une journée entière. Un léger hâle la rend encore plus désirable. Favier ne se prive pas pour la contempler, bien que son épouse soit une réelle beauté. Mais, au lieu d'être jaloux, Adrien désire encore plus Mireille. Le soir, sur la terrasse de la villa de Georges, première sardine grillée, la nisette circule avec la kémia variée. Il contemple la baie d'Alger, le regard tourné vers le nord, mais il ne voit rien et ne cherche rien à y voir, ni par les yeux, ni par le cœur. « Alors, » demande Favier, « qu'est-ce que vous en pensez ?» Au lieu de répondre, Adrien et Mireille se sourient et s'embrassent amoureusement devant leurs amis. « Bon ben, on a la réponse !» dit Christine Favier en riant. Maxime prend ses fonctions à Guyotville pendant que Mireille règle les premiers problèmes d'aménagement. Premier contact avec Bachir, le factotum de l'école. Premier fou rire qui vont les conduire tous deux à s'entendre comme deux doigts de la main. Un atout majeur pour Adrien, qui lui permet de comprendre plus vite l'esprit des musulmans et d'apprendre leur langue. Le soir, Mireille et Adrien échangent les mots arabes qu'ils ont appris dans la journée, mais Bachir se tord de rire en entendant leur prononciation. Premier regard étonné des gens devant ce pathos qui tient son copain arabe par l'épaule, le trimballe partout dans son taco et parle avec lui moitié arabe, moitié français. Première automobile, une Citroën Rosalie d'occasion, deuxième amour d'Adrien. Grâce à ce taco increvable, la côte algérienne n'aura plus de secret pour eux, et l'appareil photo à soufflet, acheté à prix d'or, enregistrera une foule de souvenirs ensoleillés. Les parties de plage, les méchouis, le conseil municipal, la fête des pêcheurs, les photos de classe. Premiers élèves aussi, et dont les origines sont si différentes. Des Espagnols, des Arabes, des Italiens, des Maltais, des Alsaciens, des Juifs, des Noirs, même des Grecs. Pour l'instant, tout a été si vite, et leur nouvelle vie est si différente, qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à la métropole. Ils sentent confusément que leur vraie vie a commencé ici et qu'elle s'y épanouira. Un matin qu'ils sont tous les deux sur leur bateau, au large du phare Cassine, Mireille est songeuse tout en contrôlant sa ligne, le bras en dehors du bateau, les yeux perdus sur le reflet de l'eau. « Qui aurait dit qu'on finirait nos jours ici ? Tu te souviens du village ?»« Je me souviens surtout de l'affaire des 5 morts. »« Tu te rends compte que rien n'a pu être prouvé et pourtant, les 4 autres morts étaient liées à celle de Camille, c'est certain. »« C'est pour ça que tu as voulu qu'on parte ?»« Non, pas vraiment. Ou en tout cas, pas seulement. » Tu sais, quand je suis arrivé au bagne, en fait, j'étais déjà en prison depuis un moment. La prison, c'était mon corps, mon esprit. Voilà ce que les juges et les gendarmes avaient réussi à faire. J'étais enfermé comme dans une cage à l'intérieur de moi-même. À Cayenne, même au bord de la mer, devant l'horizon, j'avais l'impression que mon corps allait exploser. Et cette sensation, je l'ai gardée tout le temps jusqu'à ce que j'arrive ici. Et d'être avec moi, ça ne t'avait pas guéri ? Si, ma caille. Toi, tu es la clé qui m'a permis d'ouvrir la porte pour m'enfuir hors de moi-même, dit Adrien dans un sourire. Et maintenant, tu te sens bien? Oui, très bien, trop bien. J'ai l'impression que ça ne va pas durer, qu'il va falloir que je paye ce bonheur présent. Mais pourquoi veux-tu qu'on soit malheureux? Parce que j'ai toujours su, depuis tout petit, que c'était inhérent à la condition d'homme. Le bonheur est passager, et tôt ou tard, on retombe dans le malheur, la douleur et l'affliction, l'état naturel de l'homme. Boudiou, mais tu es fada! Il faut avoir le moral avec toi, tu sais. C'est le mal de mer qui te fait ça. Non. Tu sais, il y a des choses qui ne s'effacent pas. J'ai toujours chevillé au fond de moi ce sentiment d'injustice. Je repense souvent à la vie qu'a eue mon père, emporté dans une tempête de mitraille, ma mère, toujours courbée en deux pour gagner tout juste de quoi manger, mes frères qui n'ont pas eu de jeunesse et les paysans de Lambesque qui viennent sans vivre, finalement. On les oublie, on les met de côté, mais de temps en temps, ils remontent à la surface. T'es comme ce concombre de mer, regarde. Burk, que cela, on dirait un étron. Oh, Fan, j'ai une touche. Pétard, il est gros celui-là. Il va me couper le doigt.